بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل اليوم الكلام في حديث أو عفوا نكمل اليوم أيها الإخوة ما تبقى من باب المرور بين يدي المصلي Donc on termine aujourd'hui le sous-chapitre concernant le passage juste devant le prieur. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار آتان وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد سلمنا عباس رضي الله عنهما qui dit je suis venu alors que j'étais sur une ânesse et à ce moment ناهزت الاحتلام c'est-à-dire قاربت j'étais proche de la puberté. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait avec les gens à Mina, dans une autre direction que celle d'un mur. Il ne priait pas en direction d'un mur. Alors je suis passé juste devant une partie d'un rang, et personne ne m'a fait le reproche. هذا الحديث دليل على أن السترة مستحبة. وأن من لم يتخذ سترة لم يأثم. Ce hadith est une preuve que la sutra est recommandée. La sutra elle est recommandée, qu'elle n'est pas obligatoire, et que celui qui ne prend pas de sutra n'a pas péché. فقال بعض العلماء إن الحديث ليس صريحا في عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم سترة. لأن المذكور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. Certains savants ils ont dit que ce hadith il n'est pas clair, montrant que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas pris de sutra. Car ce qui est cité dans le hadith c'est que le prophète il a prié dans une autre direction que un mur. Et donc ils nous disent il est possible qu'il ait prié dans une autre direction qu'un mur, mais qu'il a pris une sutra. قال الإمام الشافعي رحمه الله إن المراد بالجدار هنا السترة. L'imam الشافعي رحمه الله il nous dit que ce qui est voulu par le mur ici, c'est la sutra. C'est ce qui est voulu par le mur ici. وأنتم تعرفون أن الشافعي إمام في اللغة. Et ça vous savez, l'imam الشافعي est un imam dans la langue arabe. وأيضا وإن كان ابن عباس لا يقصد السترة بقوله إلى غير جدار فما الفائدة من ذكر الجدار. Si Ibn Abbas, lorsqu'il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans une autre direction qu'un mur, s'il ne veut pas dire par là la sutra, quelle est l'utilité de nous dire que le prophète a prié dans une autre direction qu'un mur? Quelle est l'utilité? Et donc, voilà pourquoi les ulama, ils nous disent « هذا الحديث دليل قوي على استحباب السترة » Ce hadith est une forte, une lourde preuve qui montre que la sutra est recommandée et qu'elle n'est pas obligatoire. On avait dit que « السنة » أن الرجل إذا كان قائما واتخذ سترة ما هي المسافة بينه وبين هذه السترة؟ أيوة. Et donc on avait dit la dernière fois que l'homme lorsqu'il est debout, l'individu il est debout, il prie, il a la sutra devant lui. La sunna c'est qu'il y ait trois coudées entre lui et la sutra. قال ابن حزم في المحلى ببطلان صلاة من ابتعد عن السترة بأكثر من ثلاثة أذرع. Ibn Hazm, rahimahullah, il nous dit que celui qui prie à une distance supérieure à 3 coudées de la sutra, sa prière est caduque. Sa prière est caduque. Voilà, à chaque cas, à la butlan et à l'alcool. Il n'y a nul doute que cet avis n'est pas correct. Cet avis est incorrect. Car il n'y a aucune preuve qui nous montre cela. وفي هذا الحديث دليل على أن سترة الإمام سترة المصلين لأن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك عليه. Et ce hadith est une preuve que la sutra de l'imam est la sutra de ceux qui prient derrière lui. Parce que Ibn Abbas, il est passé devant, juste devant la partie d'un rang, et que personne ne l'a blâmé. Pourquoi? Parce que la sutra de l'imam est la sutra de ceux qui prient derrière lui. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Selon Aïcha radiallahu anha qui dit je dormais juste devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait, et mes deux pieds étaient en direction de sa qibla. Alors lorsqu'il se prosternait, il me faisait signe de la main en me touchant. Il me faisait signe de la main en me touchant. Alors je pliais mes jambes. Et lorsqu'il se levait, je tendais mes jambes. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de lampe dans les maisons. يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَرَكَ الْيَسِيرَةَ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ. On voit de ce hadith que le fait de bouger, d'avoir des gestes qui ne font pas partie de la prière à la base, mais des gestes légers pour un besoin, cela ne va pas rendre la prière caduque. Et certes, on a déjà abordé ce sujet lors des cours précédents. Wafil hadith anna lamsa al-mar'ati la yanqudu al-wudu. Il y a aussi dans le hadith le fait que toucher la femme ne fait pas perdre les ablutions. Et ça aussi, on l'a déjà vu dans Kitab al-Tahara. On l'a déjà vu dans le livre de la purification. Le chapitre de la purification. وَرَأَيْنَا أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ يَنْقُدُ الْوُدُوْ إِسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْوُدُوْ. Et on a vu que ceux qui voient que le fait que toucher la femme annule les ablutions, ils se basent sur آيَةِ الْوُدُوْ, le verset qui cite les ablutions. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Et donc si vous êtes malade ou en voyage, ou que l'un d'entre vous rentre des الْغَائِتِ, l'un d'entre vous a accompli ses besoins, ou alors que vous avez touché les femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. وَالْمُرَادُ بِاللَّمْسِ هُنَا الْجِمَعَ كَمَا بَيَّنَّا. Et ce qui est voulu par ici toucher les femmes, c'est le fait d'avoir des rapports avec elles. فَالصَّحِيحَ أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُدُ الْوُدُوءَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَيْضًا لِمَا ذَكَرَتْهُ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ. Et donc, l'avis le plus juste est que le fait que toucher la femme ne va pas rompre les ablutions. À cause de ce hadith, le hadith qu'on voit aujourd'hui, et aussi le hadith, un autre hadith de Aïcha qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrassait donc certaines de ses épouses et ensuite il partait à la prière. Wa fil hadith dalilun lima dhahaba ilayhi al-jumhur. أنه لا يبطل الصلاة شيء من مرور المرأة بين يدي المصلي ولا الكلب الأسود ولا الحمار. Il y a dans ce hadith une preuve qui va dans le sens de la majorité de Al-Jumhur, la majorité des ulémas. Ce qui est voulu par là, c'est l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, qui voit que la femme, l'âne et le chien noir, lorsqu'ils passent devant le prieur, juste devant lui, cela ne va pas annuler sa prière. وأجيب عن ذلك بأن عائشة رضي الله عنها لم تكن مارة إنما كانت نائمة. Et donc, et les autres savants, ils ont répondu à cela en disant que dans ce hadith, Aïcha رضي الله عنها, elle ne passait pas devant le prieur, elle ne passait pas devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle dormait, elle ne bougeait pas. Et donc, les deux situations ne sont pas comparables. Et donc, on ne peut pas utiliser ce hadith comme preuve. Ibn Hazm, wa ma'ahu ibn Taymiyyah, wa ibn al-Qayyim, wa al-Albani, wa ibn Baz, wa ibn al-Uthaymin, rahimahumullah, yarawna anna al-mar'a, wa al-kalb al-aswad, wa al-himar, mururuhum, tubtilu salat, ou yubtilu salat. Et donc, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ils voient tous que donc la femme, l'âne et le chien noir qui passent devant le prieur, ils vont rompre la prière de l'individu. Sa prière sera donc rompue. وَكَانَتْ عَيْشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُخَالِفُ ذَلِكَ تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب. عائشة رضي الله عنها elle disait vous nous avez fait ressembler vous nous avez fait ressembler aux ânes et aux chiens. وذهب الإمام أحمد إلى أن الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة. L'imam Ahmed il voit que le chien noir c'est lui le seul qui va annuler la prière. ومن أدلة الجمهور ما أخرجه الدارقطني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء. Parmi les preuves de Al-Jumhur, Al-Jumhur donc il voit quoi? C'est quoi l'avis de Al-Jumhur? Voilà, que rien ne coupe la salat. Parmi leurs arguments, il y a donc le hadith qu'a cité Darqutni selon Anas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait devant les gens. Il dirigeait la prière. Et un âne est passé devant eux. Alors Ayyash, lorsqu'il a vu ça, il a dit « Subhanallah, Subhanallah ». Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, le messager il a dit « Manil musabbihu anifan ». Qui a fait le tasbih? Qui disait « Subhanallah » avant? Ayyash, il a répondu en disant « Moi, au messager d'Allah, certes, j'ai entendu dire que l'âne rompait la prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « La yaqta'u salata shay'i » Il n'y a rien qui va rompre la prière. Rien ne rompt la prière. « Qalu idhan najma'u bayna al-adillah wa naqul inna murur al-kalbi al-aswad » والحمار والمرأة بين يدي المصلي ينقض أو ينقص الصلاة ولا ينقضها. Et donc ils ont dit on va rassembler entre toutes les preuves et on va dire que le passage du chien noir, de la femme ou de l'âne devant le prieur va diminuer la prière de celui-ci mais ne va pas l'annuler. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.